partirai sans viser sur des personnes jamais, jamais encore. J'avais attendu près mon canon pour me tirer à voir attention. Et où est donc passé toute cette fierté pour le port de guerre? Jamais on n'en parle. Yeah! It's a drop. Personne jamais, jamais encore. J'ai eu les vêtements du bout de mon canon pour avoir le leur tiré la moindre attention. Et où est donc passé toute cette fierté pour les ports de guerre qu'avait nos grands-pères? Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. collectionne les cahiers qui me parlent de ménage. Je me cache en plein de faits divers jusqu'à l'indigestion. Je suis mal informé, les victimes ont des raisons. Pour combler le vide de ma vision gavage, tous les arguments débiles sur le système médical. Je suis abonné au journal de Montréal. Je suis abonné au journal. À deux balances, des albums pareils. Un homme se coule le cul et chie par les oreilles. Une lesbienne s'est fait poser une pite en métal. Nous enregistrons une baisse dans le QI général. C'est fou. Pour écouter. j'aimerais la fonte dans l'abandon. Quand c'est brisé, l'intention, l'erreur sonnée, la réflexion, à bas les préoccupations, faites place aux palpitations. J'ai besoin de m'évader, de me lâcher l'ours, de m'exulter. Loin des grandes priorités, de mettre de côté la réalité. Ce qui vient dans la tête, c'est un esprit de faire rien ne va m'arrêter. We'll be right back. te foncer, toi tu t'arroses de liquide à combustion. Yeah. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. 89.1. C'est assez fou pour l'écouter. 89.1. Je suis un funambule. Et chaque fois que je la vois, tout s'effondre. assez fou pour l'écouter. 89.1. Yeah. êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Elle se fout de moi. Elle se joue de moi. Pour en assez fou pour l'écouter. 89. C'est fou pour l'écouter. 89. Oh. Yeah. Yeah.